Unité 3. Au quotidien. Ouverture 2. Soyez attentifs. Page 43. Activité 1. Écoutez. À quel enregistrement correspond chaque étiquette ?